vous vivez toujours par rapport à des événements. Quelqu'un vous dit, voilà, on chie, ah, tu vis. Comment est-ce que tu deals avec ça quand tu te dis, voilà, on chie, tu vis? Comment est-ce qu'un gars deal, traite avec un taxi driver qui dit, mon sacrament m'a donné un point sur la gueule si tu te rapproches trop de mon char en arrière? Comment est-ce que tu deals avec ça? Sors-tu ton char puis en donner un ou tu prends l'énergie puis tu l'intègres? Puis quand tu prends l'énergie puis tu l'intègres, tu te crottes de pas être levé pour aller en arrière puis lui casser la gueule? Comment? Parce que là, on vit toujours par rapport à. On vit toujours par rapport à. Puis, c'est dans la façon qu'on traite avec ces événements-là qu'on réalise la fragmentation de notre être. Quand tu es un gars, là, qui est un petit peu des petits muscles, là, qui mesure 5 pieds 4, comme un mon chum, là, qui a une grosse moustache, là, puis qui se fait dire par un taxi driver, m'a sacré un coup de poing sur la gueule, c'est dur sur l'ego, ça. Puis tu n'es pas équipé pour aller y en donner un. Ben, quand tu n'es pas équipé pour y en donner un, qu'est-ce que tu fais? C'est un qui est équipé pour dîner entre toi et toi. Puis c'est quoi le toi et toi? Le toi et toi, c'est ce que tu te rappelles que le gars te dit, puis ce que ta tête t'explique. Ta tête, c'est astralisée, elle va dire, bon, t'es un petit plein de marde, t'as pas été capable de là, t'es testé. Ça, c'est la petite voix qui vient en dessous de ta cagoule. Ta petite voix, ta cagoule, elle dit, t'es peur, hein? Parce que ta petite voix teste pour voir si réellement tu peignes. Parce que là, je sais bien que c'est ta petite voix qui est ton problème, là. C'est ta petite voix qui devient ton problème. Parce que là, tu vois, elle dit, t'es peur, hein? T'es peur d'en sacrer un coup de poing, hein? Là, tu te dis, bon, la prochaine fois, elle va y en donner un. Fait que là, il y a un autre taxi driver qui te rend dans le cul, là, tu sors de ton char, le gars, tu crisses une volée. Là, tu rentres dans ton char, tu dis, sacrement, ma crisse une volée. Puis là, tu vois qu'elle a dit, hein, tu t'es fait prendre, hein? Parce que l'homme deviendra conscient en intégrant les fragments de sa personnalité. Fait que toutes les choses, toutes vos personnalités chaque jour qui sont fragmentées, les chocs que vous vivez, là, entre vous et votre femme, vous et votre blonde, puis vous et votre boss, puis vous et le boss, puis vous et l'autobus. Toutes les chocs, là. C'est ça votre vie, c'est la sommation, c'est ça votre vie. Ben, votre petite voix rentre, hein. Vous autres, vous savez pas que c'est une petite voix, vous pensez que c'est vous autres qui pensez, qui pensez. Un jour, vous allez savoir, cette petite voix qui rentre, là, puis qui vous aiguise des nerfs, là. Hein? Ben, à ce moment-là, mais si tu sors pas du taxi, puis tu es capable d'intégrer ça, la petite chiotte qu'elle te met, là, parce que tu sens la tête, là, tu te vois comme un oiseau, là, que t'envoies une petite crotte, tu dis, hein, t'as peur, tu donnes une petite plaque sur la gueule, là, j'en parle. Hein? Tu es capable d'être là, tu dis, voilà, chier. Ah, tu dis, ah, là, tu commences à être intelligent, j'en parle. Tu n'es pas fait prendre. C'est ça de la conscience. Ça, être conscient, c'est pas se faire prendre dans tes doigts. Puis le plus grand danger que l'homme vivra dans l'évolution future, là, en relation avec l'éveil de la conscience. Puis quand je parle d'éveil de la conscience, là, je parle pas de Richard Bach, tu sais. L'éveil de la conscience, l'homme va savoir qu'est-ce que c'est l'éveil de la conscience, puis il va savoir que c'est bien moins spirituel qu'il pense, puis c'est bien moins des petits oiseaux ici, là. L'homme va savoir que la conscience, ça n'a rien à faire avec la spiritualité, que la conscience, elle a d'affaire avec ta réaction spirituelle à l'affront que la vie te fait tous les jours. Fait que quand l'homme sera capable de te prendre de taxi driver, tu seras réellement capable de te prendre de taxi driver. Tu ne seras même pas amené à faire face à un taxi driver. Parce que les forces de vie savent que si tu te fais rentrer un cul par un taxi driver, il est mieux d'avoir des crises de bon pneu. Moi, c'est un taxi driver qui me rentre dans le cul et qui me batte. Il est fait à l'os, le gars. Je vais rester à mon char, mais le faire à l'os. Fait que même plus si je sors de là, mais tu le faire à l'os. Fait que, autrement dit, les forces de vie vont le garder loin des taxi drivers. Mais si là, tu veux montrer ton petit égo de mâle, là, que tu es capable de faire, ils vont te faire tomber sur un taxi driver, c'est 6 pieds 4. Là, tu vas voir si tu vas rentrer dans ta bouteille. Parce que c'est bien subtil, ça sera très subtil l'évolution de la conscience supramondale sur la Terre, puis c'est pas ce que vous pensez, puis c'est pas comme vous pensez, puis c'est pas ce que vous avez lu dans les grands livres qui ont été écrits pour upsetter l'humanité. Alors, une personne qui est dans son identité, est-ce qu'on peut on peut qualifier de cette personne-là comme étant au cœur de l'ouragan? Ou étant lui-même un ouragan? Il est un ouragan. Il est un ouragan. Ah, laisse-moi dire, il est un ouragan. Ouais. Non. La personne qui est à l'extérieur de l'ouragan, qui se rapproche de l'ouragan, vous dites que c'est pas nécessairement de santé. Mais la personne qui est à l'extérieur n'est pas obligée de ne pas être un ouragan, puis veut goûter à l'ouragan. Est-ce que c'est possible de devenir un ouragan sans avoir été brassé par un ouragan? Non.